Bonjour tout le monde, voilà les questions du chapitre 5 pour vous préparer à l'examen. Je vais poser une question et donner une réponse possible. Vous êtes prêts? Question numéro 1. Est-ce que tu vas danser ce soir? Oui, je vais danser ce soir. 2. Vas-tu regarder la télévision ou étudier? Je vais étudier. C'est triste, mais c'est la vie. 3. Est-ce que tu as envie de regarder la télévision ou est-ce que tu dois faire tes devoirs? Je dois faire mes devoirs de français parce que mon professeur est cruel. 4. D'habitude, où est-ce que tu vas? D'abord, ensuite, enfin. D'abord, je vais à l'université. Puis, je vais à la bibliothèque. Et enfin, je vais à la maison. 5. À quelle heure est-ce que tu vas à l'université et quel jour? Je vais à l'université le lundi, le mercredi et le vendredi de 7h du matin à 3h de l'après-midi. Et le mardi de 8h à 2h. 6. Quel jour est-ce que tu préfères? Pourquoi? Quel jour travailles-tu? Je préfère le samedi et le dimanche parce que je ne travaille pas. Je travaille la semaine et je suis libre le week-end. 7. Quel cours as-tu ce semestre? J'ai un cours de français, un cours d'anglais et un cours de biologie. Quel est ton emploi du temps? Je suis à l'université du lundi au vendredi, de 8h du matin à 3h de l'après-midi. Je travaille le samedi de 9h à 3h. Je suis libre le week-end. 9. Qu'est-ce que tu dois faire tous les jours? Je dois étudier et faire mes devoirs. Dans la classe de français, où est le professeur? Le professeur est devant les étudiants. 11. Où sont les étudiants? Les étudiants sont dans la classe. 12. Pour tes vacances prochaines, où vas-tu aller? En France ou au Mexique ou en Chine? Moi, je vais aller en France. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances prochaines? Je vais manger et dormir. Je vais lire et aller au cinéma. 14. Quand vas-tu aller en France? Je vais aller en France l'année prochaine. Next year. L'année prochaine. 15. Quand vas-tu aller à Las Vegas? Je ne sais pas quand je vais aller à Las Vegas. Last one. Pourquoi vas-tu aller en France? Je vais aller en France parce que je voudrais parler français. And that's a wrap for today. Merci et à demain.